Il m'aurait fallu un peu plus de temps ou d'humour pour te comprendre, pour apprendre à te donner plus que tu n'allais me prendre. Tu m'as dit et j'ai écouté tout ce que je voulais entendre. On m'a dit mais je n'ai écouté que ce que je voulais entendre. Tout d'un coup j'étais le plus grand, j'étais le plus beau, j'étais le plus fort, j'étais l'élu. Bravo. J'étais celui qui allait remplir ton corps et ton cœur. Mon cœur en tremble encore, et ton corps en a eu plein le. C'est le blues du blaireau, c'est le blues du blaireau, c'est le blues du blaireau, c'est le blues du blaireau. Oh, oh. Tu n'as jamais su me garder, t'as pas voulu apprendre. Mais pour me larguer, là t'as su comment t'y prendre. Tu m'as dit des obscénités, des mots qu'on ne peut entendre. Des histoires, tu m'as raconté, pour m'aider à me pendre. Tout d'un coup, je n'étais plus ni le plus grand, ni le plus beau, ni le plus fort. J'étais déchu. Oh, j'étais déchu. Tu as jeté mon cœur, tu as repris ton corps. Tu m'as rendu corps nu. Je me suis retrouvé à poil, je faisais moins le fier. Et je l'ai bien eu dans le... C'est le blues du blaireau, c'est le blues du blaireau, c'est le blues du blaireau, c'est le blues du blaireau. Oh, oh. C'est le blues du blaireau, c'est le blues du blaireau, c'est le blues du blaireau, c'est le blues du blaireau. Oh, oh.